900 000 hommes en grève par Jacques Bertillon. Sur 8000 grèves environ dont la France a souffert depuis 10 ans, il n'y a eu guère que 3 grèves de services publics, celle des électriciens de Paris, celle des maires du Midi et tout récemment celle des postes. Ce n'était que des grèves partielles. Cependant, tout le monde en pâtit. Pour beaucoup, la ruine s'en suivit, quelquefois complète. On se souviendra plus longtemps de ces 3 seules grèves de fonctionnaires que de la multitude des grèves industrielles, si terribles qu'elles soient quelquefois, dont nous recevons chaque jour la nouvelle. Quel gâchis effroyable, mais vraiment pittoresque, si tous les services publics chômaient. Tâchons de l'entrevoir tout en souhaitant de n'avoir jamais à vérifier nos prédictions. Supposons une grève générale de tous les inutiles budgétaires en leur assimilant les grandes administrations qui dépendent des pouvoirs publics, sans leur appartenir tout à fait, tels que les eaux, les chemins de fer, la Banque de France, etc. Toutefois, notre respect profond pour l'armée nous interdit d'aller jusqu'au bout de notre hypothèse. Il nous est impossible d'admettre que nos officiers et sous-officiers, si entièrement pénétrés de l'esprit de devoir et de sacrifice, puissent jamais se mettre en grève. Nous admettons même qu'ils ont le talent d'inspirer à leurs hommes le même sentiment d'abnégation et de dévouement à la chose publique. Tout d'abord, cette grève générale pourra n'être pas dénuée de quelques agréments. Nous cesserons de recevoir du percepteur les petits papiers multicolores dont il nous persécute ordinairement, et il pourra sembler très doux d'être privé de l'honorable obligation de contribuer aux dépenses publiques. La loi s'exprime galamment quelquefois. Les locataires pourront négliger leurs propriétaires. Les débiteurs pourront payer leurs échéances et se moquer des huissiers puisqu'il n'y aura pas de juge pour donner suite à leurs exploits. Les écoliers jouiront d'une délicieuse paresse. Nous serons délivrés des règlements de police. On pourra circuler en bicyclette sans lanterne, traverser les jardins publics sans imposer à son chien le supplice de la laisse, etc. Mais quelle terrible compensation à ces faibles avantages! Pas de chemin de fer. Et par conséquent, dans les grandes villes, ni farine, ni bestiaux, c'est-à-dire ni pain, ni viande. La famine, vous vous en étonnez. On vivait fort bien sous Louis-Philippe, dites-vous, et pourtant les chemins de fer n'existaient pas. Oui, sans doute, mais sous ce bon roi, l'agglomération parisienne, c'est-à-dire le département de la Seine, ne comptait pas même 1 million d'habitants. Exactement 949 799 habitants en 1831. Aujourd'hui, elle en compte 4 fois plus, exactement 3 848 618 habitants en 1906, qui doivent être montés à plus de 4 millions à l'heure actuelle. Or, il était déjà difficile naguère d'alimenter régulièrement 1 million d'hommes ainsi agglomérés. On sait que les émeutes, si fréquentes alors, avaient presque toutes pour cause le manque de pain. Amener avec des charrettes de quoi nourrir 4 millions d'êtres humains est chose à peu près irréalisable. On abat chaque année dans les abattoirs parisiens 275 000 bœufs ou vaches, sans compter 45 000 chevaux. Les Parisiens dévorent en outre 290 000 veaux, 2 125 000 moutons et 415 000 porcs. Au total, 3 150 000 animaux. Cela fait chaque jour 8 600 bêtes livrées à notre voracité. Elles nous arrivent de tous les coins de la France, généralement par chemin de fer. Cette énorme quantité de bestiaux ne fournit que 150 millions de kilogrammes de viande. 35 autres millions de kilogrammes vont de l'abattoir à la banlieue. En outre, 45 millions de kilogrammes de viande sont envoyés directement aux halles. Les halles reçoivent en outre 25 millions de kilogrammes de volailles et 46 millions de kilogrammes de poissons. Le chemin de fer est indispensable pour apporter cette masse de victuailles. Il est vrai que du temps de Louis XIV, la marée du roi était portée, à grands frais, dans les grandes circonstances, à dos de mulet. Mais le pauvre Vatel s'est tué, parce qu'il n'arrivait pas toujours en temps voulu, ni surtout dans l'état voulu. Une grève des chemins de fer nous ramènerait à cet état de barbarie. Paris reçoit encore pour son alimentation près de 3 millions de quintaux de farine ou de grains, exactement 2 075 000 quintaux de farine, 818 000 quintaux de blé, 27 000 quintaux de seigle, etc. Il reçoit 1 512 000 quintaux d'épiceries diverses, 1 769 000 quintaux de sucre, 305 millions de litres de lait, etc. Presque toutes ces quantités viennent par chemin de fer, sauf une petite quantité de grains par canot. Que deviendrions-nous si tout cela nous manquait? Comment faire pour apporter toutes ces vivres jusqu'à notre bouche? Les routes d'ailleurs n'étant plus entretenues au jour le jour par les cantonniers, deviendrait bien vite impraticable et ne pourrait plus servir au transport d'aucune marchandise. Et maintenant, que boiront donc les Parisiens? Comment font-ils même pour se laver? Actuellement, chacun d'eux dispose en moyenne d'environ 260 litres d'eau par jour, et personne ne trouve que ce soit trop, loin de là. Il faut de l'eau, en effet, non seulement pour les usages domestiques, mais aussi pour laver les cours, les ruisseaux, les rues. Il en faut aussi pour les usages industriels. Pour nous la procurer, on a capté 4 rivières, sans compter la Marne et la Seine, dont l'eau nous est exclusivement réservée. Elle nous est amenée par de magnifiques aqueducs jusqu'à d'immenses réservoirs. De là, l'eau est dirigée dans les maisons par d'énormes tuyaux situés dans les égouts. Songez qu'il y en a une longueur totale de 2650 km, 3 fois la distance de Paris à Marseille. Cette immense tuyauterie est sans cesse surveillée et réparée par une armée d'ouvriers attentifs. Que ceux-ci refusent le travail, voilà bientôt les aqueducs en perte, les réservoirs envahis par le limon et les herbes, les tuyaux crevés. Plus d'eau. Comment peut-on vivre sans eau? Faudra-t-il donc faire revivre l'antique industrie des porteurs d'eau qui, dans mon enfance, tiraient à bras leurs tonneaux dans les rues de Paris et vendaient dessous leurs seaux d'eau? À cette époque, on ne la prodiguait pas à raison de plus de 260 litres par personne et par jour. Je ne regrette pas les porteurs d'eau. C'étaient généralement des brutes fort malpropres, car ils ne se lavaient guère, craignant de gâter leurs marchandises. Mais on n'aurait même pas la ressource de s'adresser à eux. Ils n'ont plus ni seaux ni tonneaux et ne peuvent pas improviser ce matériel. Il faudra donc que chaque ménagère aille à la Seine chercher son seau d'eau, cela ménageant une jolie promenade à celle qui habite Montmartre. Ni vivre ni eau, en voilà plus qu'il n'en faut pour rendre la vie impossible. Le commerce privé sera d'autant plus impuissant à combattre cette pénurie qu'il se trouvera très entravé. Théoriquement, le crédit deviendra impossible puisqu'il n'y aura aucun moyen de forcer les débiteurs à payer et puisque la Banque de France cessera d'escompter les billets. En pratique, les choses sans doute se passeront mieux. On ne fera crédit qu'à très bon escient et les banques privées escompteront les billets. Mais comme elles n'ont pas le droit de les représenter par des billets de banque, il leur faudra beaucoup de prudence pour échapper à une crise, c'est-à-dire à la faillite. Le commerce ralentissant, l'industrie s'arrêterait aussi, en très grande partie du moins. À la grève des seuls fonctionnaires succédera un lock-out presque général. Paris reçoit 3 millions de tonnes de rouille, dont 700 000 pour ses usines à gaz. S'il ne les reçoit pas, plus d'éclairage, plus d'industrie, plus même de chauffage domestique. Il est vrai qu'une partie de la houille nous arrive par canot. Mais si nous supposons les ingénieurs et éclusiers en grève, la voie d'eau même nous manquera. Plus d'éclairage. Paris, pour avoir été pris les 3 jours au moment de la grève des électriciens de lumière électrique, qui n'est encore aujourd'hui qu'un mode d'éclairage accessoire, s'est cru plongé dans l'obscurité. Que dirait-il s'il était en outre privé de gaz? Il faudrait donc allumer dans les rues quelques lampes à pétrole, comme on le faisait pendant le siège de Paris. On aurait beau se dire que sous la Restauration, on ne connaissait à Paris que les réverbères à huile, et qu'avant Louis XIV, les rues n'étaient pas éclairées du tout. Ces consolations historiques paraîtraient bien insuffisantes. Les voleurs auraient beau jeu. On arrête chaque année 25 000 malfaiteurs à Paris. Puisque nous supposons la police en grève, on n'arrêterait plus personne, et alors, par quel chiffre faudrait-il multiplier le nombre des malandrins dignes d'être arrêtés? Chacun serait donc forcé, le soir, de rester chez soi, comme au Moyen-Âge, ou s'il faut absolument sortir, on ne s'aventurera dehors qu'avec une escorte éclairée avec des lanternes et armée jusqu'aux dents. Ce sera très pittoresque. Même en plein jour, les promenades ne seront pas agréables. Paris produit chaque année 1 325 000 mètres cubes d'ordures ménagères que les grévistes n'enlèveraient pas. Comme la superficie totale des chaussées, trottoirs non compris, est de 9 250 000 mètres carrés, elle serait couverte d'un assez épais matelas de gadoue nauséabonde. Les égouts non curés ne tarderaient pas à s'obstruer et y mêler les 220 millions de mètres cubes d'eau d'égouts qu'ils débitent en un an. Joignons-y une quantité variable de neige et nous aurons la composition du sol de nos rues. Elles seront plus horribles encore. La famine, ou du moins la disette, l'absence de toute surveillance sanitaire multiplieront les décès. Or, non seulement la grève des employés de mairie empêchera de les constater et de les enregistrer, mais encore la grève des pompes funèbres et celle des fossoyeurs empêchera de les inhumer. Il y a à Paris 52 500 décès par an, 1 000 000 de décès par semaine. Que fera-t-on de tous ces cadavres? Non seulement on n'enregistrera pas les morts, mais on ne célébrera pas les mariages. Dernièrement, le seul fait que l'adjoint d'une des mairies de Paris était parti mal à propos pour la campagne souleva une sorte d'émeute, émeute d'amoureux qui voulaient se marier. Que serait-ce si les 20 mairies de Paris fermaient leurs portes? Songez qu'il y a environ à Paris 28 500 mariages par an. Ce sont donc 47 000 fiancés ou fiancées, eux, sans compter leurs parents, leurs témoins, leurs invités, qui supplieront inutilement les maires et adjoints de ceindre leur écharpe. Les naissances sont malheureusement rares à Paris. Il y en a pourtant 60 000 chaque année. Que d'enfants sans état civil? Sur ces 60 000 nouveau-nés, environ la moitié, exactement 31 000, sont vaccinés gratuitement. Ils seront donc privés de ce bienfait. Leur situation sanitaire sera aussi mauvaise que leur situation légale. Il est vrai qu'un peu plus grands, ils auront la joie de faire tous les jours l'école buissonnière. Plus d'écoles, plus de lycées. Les 302 000 élèves des écoles primaires seront jetés à la rue. On y jettera aussi les 200 000 malades qui fréquentent nos hôpitaux pendant la durée d'une année. Ils y vont naturellement les uns après les autres et n'y restent pas un an. Ce chiffre revient donc à dire que, en un jour donné, aujourd'hui par exemple, il y a environ 12 000 malades dans nos hôpitaux. Tous seront mis à la porte. Il y a en outre 11 000 vieillards et infirmes dans les hospices parisiens. Enfin, il y a 53 232 enfants assistés de 0 à 21 ans, élevés et protégés par l'assistance publique. Si l'administration refuse de s'occuper de tous ces malheureux, si elle cesse de leur donner à manger, si les médecins cessent de les soigner, il est visible qu'il faut les mettre tous dehors. Les malades se traînant par terre quand ils pourront se traîner, les vieillards cagneux appuyés sur leurs bâtons, les enfants piaillants adresseront aux grévistes impitoyables leurs supplications impuissantes. Il en sera de même des 57 991 indigents que l'assistance publique secourt à domicile, secours permanent pour les uns, temporaire pour les autres. Tous ces pauvres diables deviendront ce qu'ils pourront. Ils seront vite vengés. Car on lâchera également les 14 635 aliénés indigents que le département de la Seine entretient dans les asiles. Ils sont tous dangereux, sans quoi le département ne ferait pas les frais nécessaires pour les tenir enfermés. Ils auront vite fait de mettre le feu à la ville pour jouir du plaisir qui a illustré Néron. Les pompiers de Paris sont des soldats. Je ne puis admettre que l'armée française dont ils font partie cesse jamais d'être fidèle au devoir. Mais les pompiers ne marchent que sur l'ordre de l'administration. Ne recevant pas d'ordre, n'ayant pas le matériel voulu, n'ayant pas même d'eau, comme nous l'avons vu plus haut, ils assisteront impuissants, comme en 1871, à la destruction de Paris. Jusqu'à présent, nous n'avons pas étendu nos regards au-delà de Paris. Supposons la grève des pouvoirs publics généralisée à toute la France. Ses effets seront tout différents de ce que nous les avons vus dans la grande ville. J'ose dire qu'ils seront encore plus épouvantables. Sans doute, les campagnards ne seront pas comme les Parisiens exposés à mourir de faim. Ils vivent pour cela trop près de la terre, notre commune et douce mère nourricière. Mais les citadins, pressés les uns contre les autres, peuvent se défendre contre des ennemis communs. Les campagnards, trop dispersés, ne le peuvent pas. De là, d'autres dangers. Plus de gendarmes, plus de prisons. Voilà donc 25 000 scélérats rendus d'un seul coup à la liberté de mal faire. C'est plus qu'il n'en faut pour ruiner le pays. Les voleurs ne tarderaient pas à se rassembler et à jouir des bienfaits de l'association. Promptement, nous reverrions les bandes de cartouches ou même les grandes compagnies que l'ingénieux Charles le Sage déchaîna contre Pierre le Cruel afin d'en débarrasser la France. C'est ce que nous reverrions sur une vaste échelle si les gendarmes y consentaient. Ils n'auraient qu'à se croiser les bras. Les braves gens, si mal payés qu'ils soient, si peu reconnaissants qu'on soit des services qu'ils rendent, il n'y a heureusement pas de danger que jamais ils abandonnent leur devoir. Je les supposerai donc à leur poste, ainsi que tous les officiers, tous les sous-officiers et même tous les soldats. Mais l'armée, fidèle à son devoir, ne marche que sur l'ordre des pouvoirs civils. Pour qu'elle puisse nous secourir dans un si grand danger, il faut donc supposer au moins un rudiment d'administration. Modifions donc un peu notre hypothèse et admettons que le gouvernement et l'administration supérieure ne se soient pas joints aux fonctionnaires grévistes et les combattent de leur mieux. La situation ne sera que médiocrement améliorée. L'armée pourra poursuivre et capturer les grandes compagnies dont nous venons de parler. Mais faute de juges, on ne pourra pas, sans illégalité, garder sous les verrous les malandrins qui les composeront. Supposons qu'on le fasse cependant et qu'on transforme une partie des soldats en geôliers. Les prisons deviendront rapidement encombrées, car on ne pourra pas, sans une série d'autres illégalités, faire passer les prisonniers en jugement. On pourra utiliser pour quelques lignes de chemin de fer les quelques militaires qui sont entraînés à ce genre de sport, mais les gens prudents éviteront de voyager sur la ligne ainsi desservie. On pourra aussi utiliser quelques télégraphistes militaires, mais les appareils dont ils se servent ne sont pas ceux de l'administration civile. On sait que malgré leur bonne volonté, ils ont rendu assez peu de services quand on a voulu leur confier les machines qu'ils ne connaissaient pas. On pourra aussi initier quelques soldats au métier de facteur, comme on l'a fait pendant la dernière grève. Ils s'en acquittaient assez mal. Il fallait plusieurs soldats pour remplacer un seul facteur. Or, il y a plus de 40 000 sous-agents des postes. Il faudrait plusieurs corps d'armée pour les remplacer. D'autres métiers sont plus à la portée des soldats, tels le métier indispensable de fossoyeur. Les autres professions de fonctionnaires civils exigent un apprentissage trop long. D'ailleurs, il est bon que les soldats restent soldats et ne soient pas abusivement contraints à des métiers qui ne sont pas de leur emploi. Il ne semble pas qu'on puisse faire remplacer par des soldats nos 22 000 douaniers. On aura d'eux un besoin trop urgent pour d'autres besognes. La conséquence en sera une vaste contrebande. Le Brésil nous envoie en temps normal 450 000 quintaux de café valant près de 50 millions de francs. L'Argentine nous vend 855 000 quintaux de laine valant 180 millions. L'Inde nous envoie pour 40 millions de thé, de riz, etc. Toutes ces quantités seront doublées ou triplées afin de frauder le trésor. Cela amènera une certaine animation dans nos ports. Les gabelous grévistes laisseront faire, peut-être même, pour imiter dans la mesure du possible les saboteurs, ils donneront un coup de main aux déchargeurs. Les bateaux qui font ce métier de contrebande ne seront soumis à aucune formalité sanitaire puisque les médecins des ports seront aussi en grève. Ils ne tarderont pas à nous apporter la peste, la fièvre jaune et le choléra, mettant ainsi le comble à la misère publique. Ainsi la famine, la misère et la mort, telles seront les conséquences d'une grève générale des administrations publiques. C'était 900 000 hommes en grève par Jacques Bertillon.